Chapitre 18. Conclusion. Une dernière épreuve attendait Destroy. Les inquiétudes qu'occasionnait en lui le fait seul d'avoir été lié avec Clément ne devaient pas même cesser à la mort de ce dernier. 5 ou 6 ans plus tard, en même temps que les journaux lui apprenaient cette mort, il avait le chagrin d'y entendre mêler son nom. Clément comprit enfin que son dernier jour approchait. L'idée de revoir son pays une dernière fois s'empara de lui avec une telle passion qu'il capitalisa à la hâte sa fortune et prit passage avec son fils sur un navire qui faisait voile pour l'Europe. La traversée fut longue et incidentée de fréquents orages. De mémoire de marin, jamais peut-être l'atmosphère n'avait présenté le spectacle d'autant de brusques variations. Exténué, déchiré de douleurs atroces, Clément était hors d'état de supporter une mer incessamment battue par des vents contrariés. Ses jours n'étaient plus qu'une véritable agonie. On s'attendait d'heure en heure à lui voir rendre l'âme. Ses douleurs lui arrachaient des plaintes navrantes. Il suppliait qu'on le jetât à la mer, tout au moins qu'on le déposât sur un rivage quelconque. Le capitaine en eut pitié. Il supposa que 2 ou 3 heures de terre calmeraient un peu les souffrances de ce misérable. On relâcha à la hauteur d'une île inculte, de facile abord, qui sépare l'espace compris entre le Nouveau Monde et l'Europe en deux longueurs à peu près égales. Des rameurs conduisirent le capitaine et Clément au rivage. Ces deux derniers mirent pied à terre et s'avancèrent dans l'île en gravissant lentement la rampe d'un monticule à l'ombre duquel ils disparurent bientôt. 2 heures environ s'écoulèrent. Le soleil se couchait déjà, qui n'était pas encore de retour. Ceux qui les avaient amenés jugeaient prudent d'aller à leur rencontre. La silhouette du capitaine se décida tout à coup sur le disque du soleil couchant. Il était seul. Il courait. En 2 enjambées, il rejoignit ses hommes. Clément venait de mourir subitement, comme s'il eût été frappé de la foudre. Le capitaine fit dresser un procès-verbal de cette mort et des circonstances qui l'avaient accompagné. Clément était d'une faiblesse extrême. Il pouvait à peine se soutenir. Une agitation fébrile, analogue à celle du délire, se manifesta soudainement en lui. Il jeta des regards effarés sur le paysage. Devant les yeux se déroulait une plaine aride, légèrement ondulée. Sans arbres, sans végétation d'aucune sorte. À l'horizon s'étendait la mer, dont la surface présentait une série infinie de losanges alternativement sombres et lumineux. Le murmure confus, monotone des vagues, remplissait l'âme de tristesse. Un vent glacial, un ciel gris, traversé au couchant de quelques bandes d'un rouge sinistre, achevait de faire de cet endroit l'un des plus affreux et des plus désolants qu'on pût imaginer. Clément en fit la remarque. Il ajouta, en portant la main à ses yeux avec émotion, « Voilà, monsieur, l'image de ma vie, l'aridité, l'horreur, le désespoir. » Peu après, il reprit d'un air égaré. « N'entendez-vous rien? Il me semble que des voix appellent. » Le bruissement de la mer pouvait en effet produire cette illusion. Clément fit encore quelques pas et dit « Asseyons-nous, monsieur, je me trouve mal. » Il n'était pas assis depuis quelques secondes qu'il se dressa d'un bond. « Allons-nous-en » s'écria-t-il. Ses forces le trahirent, il s'arrêta. « C'est singulier, » fit-il d'une voix éteinte, « je n'y vois plus. » Il suffoquait. « J'étouffe, secourez-moi. » Le capitaine, qui l'observait avec inquiétude, courut à lui. Il arriva trop tard pour le soutenir. Clément venait de crouler à terre comme une masse inerte. Il avait cessé de vivre. Il eut l'océan pour tombeau. On trouva sur lui, parmi ses papiers, un projet informe de testament holographe par lequel il instituait formellement Destroy son légataire universel. La plupart de ses autres volontés étaient exprimées avec beaucoup moins de précision. On devinait que le temps lui avait fait défaut. Un homme qui le connaissait bien pouvait toutefois les pénétrer aisément. La moitié de son avoir, qui consistait une somme triple de celle dont il avait dépouillé l'agent de change, devait être remise à Madame Tillard. Sur l'autre moitié serait prélevé le capital d'une pension viagère suffisante pour que son fils fût l'objet des plus grands soins dans une maison de santé. Une note spéciale, rédigée bien avant ce testament, montrait combien profondément il aimait cet enfant et avec quelle persistante énergie il se préoccupait de son avenir. Enfin, on utiliserait le reste de sa fortune à créer des lits dans un hospice de vieillards et à doter divers autres établissements de bienfaisance. À l'occasion d'un service, célébré en son honneur, quelques paroles furent prononcées qui roulaient sur ce thème « Pertrans civit bene faciendo ». C'était un fait. Il vivait en faisant le bien. Il accumulait bonne action sur bonne action. Il s'efforçait de se rendre agréable aux hommes, de gagner leur estime, de mériter leur admiration. Ébranlé dans son scepticisme, effrayé, sinon repentant, il se flattait sans doute, à force de générosité et de dévouement, d'apaiser ses grandissantes et atroces terreurs. On a vu jusqu'à quel point était profonde son illusion. Échappé d'un milieu qui ne reconnaît rien en dehors de lui, d'un milieu où la légalité est la souveraine moralité, il tombait pourtant en proie à des tortures inouïes, dont on essayait vainement de contester la source. Les années, loin d'éteindre en lui de dévorants souvenirs, en redoublaient la vivacité, et tout porte à croire qu'il désespérait de trouver, même dans la mort, un terme à son supplice. Son mémento contenait du moins cet aveu précis qu'il y formulait d'une main tremblante quelques jours avant de mourir. Non, quoi qu'on puisse prétendre, ce qu'on appelle conscience n'est pas uniquement le fruit de l'éducation. Il est même des crimes que ni le repentir, ni la douleur, ni le sacrifice perpétuel de soi ne sauraient racheter. Des crimes qui outragent essentiellement la nature, qui excluent fatalement l'homme du milieu des hommes. Telles furent sa vie et sa fin. Si quelque chose pouvait consoler de ce qu'elles ont d'horrible, ce serait à coup sûr sur la bonne aventure de Destroit. On se rappelle que pour lui, la douleur était comme le sel de l'âme, et que la pauvreté et l'obstacle, loin de lui souffler des sentiments de révolte, lui semblaient un mal utile, un stimulant contre l'engourdissement des facultés. Il devait recueillir le fruit de sa patience, de son courage, de ses idées justes. Une haute fortune, en effet, comblait son ambition, juste à l'heure où Clément, épuisé par de longues et indicibles tortures, mourait loin de son pays, en proie aux remords et au désespoir.